que ça vous a motivé, la progression, d'accord, hein. C'est simple, mais c'est efficace. En fait, ça dépend de la manière dont tu tournes les morceaux. Funky disco, toujours dans le même type, quoi. En fait, c'est des petites idées qui me viennent en tête. Je fais tourner en boucle, après je compose en entier. Je crois que j'en ai un autre, attends. Toujours sur le même tempo. Sexy. Si vous voulez, on peut essayer Jumping Jack Flash. Attends, j'essaie de me rappeler du riff là. Jumping Jack Flash. Mais en mode rock. Je sais pas si j'ai un beat avec. Un beat avec du rock. Attends, j'essaie de me rappeler. Attends, Jumpin' Jack Flash, c'est quoi déjà? Parce que tu voulais faire les Rolling Stones. Après, ça dépend ce que tu veux faire des Rolling Stones, mais. Il faut que je cherche le tempo dessus là. C'est quoi le tempo? The Jumpin' Jack Flash, it's a guys. Ah, tu voulais faire. C'est pas niche truc chouette là. C'est 137 le bordel. 137 les gars, 137. On va faire du jumping jack flash, allez. 137, et puis on va mettre le drum en mode rock. Thank you. face. Okay, right. I was born in a crossfire hurricane, but at home on my own driving rain, I was raised by thoughtless cruelty. Changement.